Nouveau podcast, toujours dans le cadre de notre travail, de notre projet e-commerce Amazon, avec Amazon je veux dire. Alors précédemment nous avons parlé du choix de la niche. J'espère quand même que par rapport à tout ce qui a été fait, vous avez pris votre temps pour vraiment parcourir chaque module, parcourir chaque leçon pour les mettre en application, pour vraiment aboutir au dernier point quand même qui est dit au choix de la niche. Si ce n'est pas fait, je ne vous conseille pas d'écouter ce podcast parce que vous allez tout simplement vous embrouiller. Vous allez tout simplement avoir une surinformation et puis vous allez totalement vous embrouiller. Et honnêtement, je vous assure que si vous écoutez jusqu'à la fin ce podcast, vous ne saurez plus où partir, où continuer et même où commencer. Parce que vous savez, le choix de la niche, comme je l'ai dit dans le podcast précédent, il est très important. Donc il est vraiment important que vous finissiez avec ça, que vraiment vous preniez votre temps, pas de le faire à la va-vite, que vous preniez votre temps pour vraiment mettre en application genre tout ce qui est dit, que vous preniez vraiment votre temps pour implémenter tout ce qui est dit avant maintenant genre de vouloir passer en fait au point qui suit. Bref, après le choix de la niche, dans l'ordre, j'avais annoncé, nous avons prévu travailler par exemple sur l'ouverture de l'interface. Nous allons finir par ça. Ça va finir. Nous allons finir par ça, comme je le disais depuis. Il y aura la mise en place du site web ou bien des pages. Ça, c'est vraiment propre à chacun, en tout cas. Ça, c'est juste une étape. Bref, nous n'allons pas vraiment développer cette partie-là. C'est juste la mise en place et tout. Nous allons aussi finir par ça alors. Parce que je trouve qu'il y a des parties vraiment essentielles qu'il faut d'abord maîtriser, qu'il faut d'abord, sur lesquelles il faut vraiment s'appuyer. Et puis après, ces parties intermédiaires-là, les parties de l'ouverture de l'interface, les parties de la mise en place du site et tout, nous allons le faire à la fin. Donc, nous allons sauter tout ça, venir sur le point numéro 4 qui est la sélection de produits. La sélection de produits, très, très, très important. Parce que vous vendez des produits, vous êtes en train de faire la promotion de produits et vous devez vraiment faire attention en fait à ce que vous choisissez en fait comme produit en fait à promouvoir tout simplement. Donc le module 4 qui est sélection de produits a un objectif global comme depuis le début, chaque module a une formation. Pardon, excusez-moi, chaque module a un objectif. Et donc voilà, ici le module aura comme objectif de maîtriser les techniques pour identifier les produits de niche et sélectionner en fait les produits spécifiques pour promouvoir un produit en tant qu'affilié ou en tant que e-commerçant. Ici, la leçon elle est un peu longue, elle va jusqu'à il y a même jusqu'à 4 leçons ici. Jusqu'à 4 leçons, bien sûr, c'est un peu dense quand même tout ce qui est au niveau du choix du produit. Donc voilà l'objectif. Maintenant oui, comme je l'ai dit, ça sera en 4 leçons, des leçons 4 leçons, oui, disons en 4 leçons, pour ne pas même dire en 5 leçons, oui. Bon, la cinquième leçon, c'est un cadeau en 5 leçons. Et donc, l'objectif quand même, c'est toujours le même, oui. Je l'ai dit, pour le rappeler. Ça sera vraiment de maîtriser en fait les techniques pour identifier les produits de niche et sélectionner en fait des produits spécifiques pour les promouvoir. C'est tout. Donc, la première leçon ici sera d'étudier en fait, ou bien de voir comment... sera d'étudier les techniques pour identifier les produits de niche. La deuxième leçon va tourner autour de la recherche et de la sélection des produits spécifiques. La troisième s'attellera sur l'étude de cas de sélection de produits. La quatrième, surveillance et ajustement continue. Et enfin, la cinquième leçon, la diversification de la sélection des produits. Quand nous parlons de la première leçon, quand nous commençons par la première leçon, qui est technique pour identifier en fait des produits de niche, Bon, ici, déjà, il faut savoir que je ne vais plus finir toutes les explications et venir et revenir aux exemples. Je pense que ça embrouille un peu. Je pense que lorsque je développe une leçon, j'accompagne en même temps d'exemples. Ça sera vraiment meilleur pour la compréhension. Donc, leçon numéro 1, technique pour identifier les produits de niche. L'utilisation d'outils de recherche Amazon. Ça, c'est la technique en fait que vous devez utiliser. La première technique, c'est l'utilisation. Première technique, utilisation d'outils de recherche Amazon. Prenons juste l'exemple de Sarah. Sarah, c'est une affiliée que genre, tout le monde connaît quand même. C'est une e-commerçante que tout le monde connaît dans le milieu de Amazon. Prenons Sarah, une e-commerçante Amazon qui se concentre sur la niche des articles, par exemple pour bébé. Et lorsqu'elle utilise, par exemple, l'outil Amazon Best-Seller, elle découvre que les biberons anti-colique figurent en tête de liste des produits les plus vendus. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement indiquer clairement qu'il y a une forte demande pour ces produits-là. Donc ici, au niveau de l'argument convaincant, on peut tout simplement dire que vous pouvez utiliser en fait les données de vente réelles sur Amazon pour identifier en fait les produits populaires, pour identifier les produits populaires, tout simplement. Si vous êtes, comme je l'ai dit, vous voyez, vous utilisez l'outil Amazon Best-Seller et que en fait vous retrouvez des produits de votre niche dans cette catégorie de produits-là, dans ces produits-là, ça veut dire en fait qu'il y a une forte demande et que par exemple ce produit-là, vous pourrez par exemple le commercialiser, vous pouvez par exemple le recommander aux gens, vous pouvez par exemple le promouvoir, recommander, le faire acheter par des gens, tout ce que vous voulez. C'est assez simple comme ça, je pense. Le dire comme ça, c'est très simple et l'explication, elle passe mieux, je trouve. Et donc, si par exemple, elle utilise ces données-là de vente réelle sur Amazon pour identifier les besoins populaires, ça peut en fait donner un avantage concurrentiel. Oui. Les produits qui se vendent bien, en fait, ont généralement un potentiel de commission élevé. Parce qu'ils se disent, tiens, je vais vous faire comprendre un peu le système. Le produit se vend bien. Si le produit se vend bien, ça veut dire qu'il y aura plusieurs e-commerçants qui vont vouloir vendre ce produit. Et donc, pour encourager ces e-commerçants-là, quand même, qui font des efforts pour pouvoir vendre le produit, parce que ce sont leurs efforts à eux qui font en fait que le produit est un best-seller. Et donc, pour pouvoir encourager les gens, ils ne vont pas diminuer le taux de commission, mais plutôt l'augmenter. Ça veut dire que des fois, en fait, le taux de commission, en fait, il devient variable lorsqu'un produit, en fait, particulier est en progression ou bien est à la hausse. Ouais, ça veut dire que des fois, il y a des taux qui chutent légèrement, mais bon, généralement, c'est pas entre. La fluctuation n'est pas généralement de moins de 2% ou bien n'est pas généralement de plus de 2%. Généralement, c'est dans 1% quand même. Donc, par rapport à ça, on se rend compte que vous pouvez déjà utiliser cette technique, l'agent de produits qui sont des best-sellers liés à votre niche, pour pouvoir les recommander. Tout simplement. Ensuite, la deuxième technique que vous avez, c'est d'utiliser en fait les commentaires et les avis. Toujours comme du côté des niches, d'utiliser les commentaires et les avis. Sarah, par exemple, on va toujours prendre l'exemple de Sarah. Sarah va plus loin. En lisant en fait les commentaires des clients sur des biberons anti-coliques. Biberons anti-coliques, c'est des sortes de biberons quand même. Anti-colique. Et en fait, qu'est-ce qu'elle remarque? Elle remarque que il y a de nombreuses mères ou bien de nombreux avis qui mentionnent en fait que les biberons ont grandement réduit les coliques de leurs nourrissons. Mais en fait, bon, ça c'est leur avis. Genre, quand elle lit les commentaires, les avis, c'est d'abord ce qu'elle décrit. C'est ce qu'elle remarque. Mais que, genre, les mères, les commentaires, en fait, genre, ça continue. Mais elles expriment en fait également que des préoccupations concernant la facilité de nettoyage posent problème. Vous voyez, le produit, genre, ça satisfait. Ça satisfait un besoin. Ça a résolu un problème. Mais il y a un autre problème. Le problème de nettoyage. Et donc, Sarah voit déjà ici en fait une opportunité de la sélection en fait des meilleurs biberons. Des meilleurs biberons. Je vais dire anticolique. Je sais pas trop si vous me percevez. Genre, elle voit déjà qu'on appelle une opportunité, genre de créer du contenu, voilà, autour de la sélection des biberons, genre des meilleurs biberons anti-coliques et des astuces de nettoyage. Vous voyez, je vous explique un truc. Ici, la stratégie de Sarah n'est pas. C'est vrai que je suis sûr que lorsque je disais que. J'ai parlé de. Elle a vu une opportunité. Je suis sûr que l'idée de certaines personnes, en fait, est partie directement sur le fait que, voilà, elle va encore proposer, en fait, des outils pour nettoyer, en fait, ces biberons anti-coliques-là. Non! Si vous procédez comme ça, ça ne marchera pas. Vous voyez, ça ne marchera pas. Ici, en fait, ce qu'il faut faire, et c'est la meilleure stratégie, en fait, que Sarah a utilisée, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que je vous ai dit aussi dans la généralité que le tout, pour être rentable, ce n'est pas seulement de vendre. Vous devez aider les gens. Vous devez leur faire découvrir des trucs. Vous devez les amener, en fait, à avoir plus de connaissances, à savoir qu'est-ce qui marche. En tout cas, à leur apporter un plus. C'est tout ça qui va faire que vous allez fidéliser les gens, en fait. Et sur le long terme, ils vont toujours acheter vos produits. Donc, qu'est-ce que Sarah fait ici? Elle voit, en fait, une opportunité. J'ai bien dit, elle voit une opportunité de créer du contenu. C'est pas vendre. Créer du contenu autour de la sélection des biberons. Quand je dis biberons, c'est en fait ces biberons anti-coliques là qu'elle va proposer. Mais par la suite, elle va créer du contenu. Genre, elle va rédiger des articles pour montrer en fait à ces mères là, genre comment elles peuvent s'y prendre, comment elles peuvent nettoyer ces biberons là de façon genre facilement. Vous voyez, ce truc là, ça va déjà attirer du monde en fait vers le site de Sarah. Ce truc là, ça va fidéliser les gens parce qu'ils vont se dire, ah oui, elle maîtrise, c'est la maîtrise, elle sait de quoi je parle. Ah, elle m'a apporté de la valeur ajoutée. Ah, le biberon, ah, j'ai rencontré tel problème. Ah, mais voilà, il y a ce site-là qui m'a proposé tel. Et puis, de satisfaction en satisfaction, il y aura toujours ce truc-là qui reviendra parce qu'elles vont se dire, ah oui, c'est pas seulement, je n'achète pas seulement, j'ai des conseils, on me conseille, on me donne des astuces. C'est tout ça, en fait, qui va faire que une personne, en fait, va choisir de revenir vers vous. Donc, par rapport aux produits, vraiment, il faut aussi se référer quand même aux analyses et aux commentaires. Déjà, en fait, les commentaires et les avis. Parce que, vous savez, les commentaires d'un des clients, ils offrent, c'est vraiment une mine d'informations précieuses. Genre, disons que les commentaires des gens, c'est ça qui fait que 70% des e-commerçants, en fait, trouvent des produits à vendre. On ne vous dira jamais ça. Mais c'est les commentaires, c'est les avis des gens, les avis clients. Ce que les gens disent, c'est vraiment suffisant. En fait, on se base pour pouvoir en fait, trouver les meilleurs produits, en fait, ou bien les produits, en fait, à promouvoir. Vous me comprenez? Donc, vraiment, ils offrent, c'est vraiment une mine d'information, c'est une mine d'or. Il faut vraiment bien exploiter. Il ne faut pas négliger ça. Vous devez vraiment aller vraiment au fin fond, en fait, des commentaires. Et si possible, même là, c'est pas si possible... Vraiment avoir un document ou bien tenir quand même un document où vraiment les avis vous les mettez dedans et puis après genre, vous les lisez à chaque fois. Ça vous permet quand même à chaque fois genre, d'avoir plus d'informations, de savoir. Parce que genre, vous n'aurez pas tout le temps les mêmes inspirations. Lorsque vous allez lire peut-être 100 commentaires, vous aurez une inspiration aujourd'hui. Demain ça peut vous inspirer autre chose. Après demain autre chose. Donc chaque jour en fait avec son inspiration. Et donc... Il peut en fait se révéler en fait que il peut en fait genre se révéler des besoins. Lorsque vous lisez en fait des commentaires des gens, les gens ils se plaignent de quelque chose, ça veut dire qu'il y a déjà un besoin qui ne sont pas encore satisfaits. Et vous pouvez maintenant exploiter ces besoins là qui ne sont pas encore satisfaits en tant qu'e-commerçant, parce que c'est ça en fait votre truc. Vous êtes tout le temps en fait à la recherche de stratégies pour pouvoir vendre en fait le meilleur produit. Vous comprenez? Et donc, quand vous identifiez en fait ces besoins là, vous pouvez maintenant les exploiter en tant qu'e-commerçant maintenant et promouvoir des produits complémentaires. Et dans le cas de Sarah, si on va prendre le cas de Sarah qui a proposé. Au lieu de vendre des produits complémentaires, à proposer des stages, genre de rédiger un contenu genre pour montrer comment nettoyer ces biberons là. Quand on va prendre le cas de Sarah, si on doit agir autrement, qu'est-ce que Sarah va faire? Elle va tout simplement proposer des brosses de nettoyage spécifiques pour biberons anti-coliques. Vous comprenez? Genre, il y a le biberon anti-colique, ça a lutté contre un problème. Mais il y a encore un problème qui se dégage. C'est ça là. On peut profiter pour qu'on vend un autre produit. Exemple, brosse de nettoyage pour ça. Puis, voilà, ça passe. Parce que produit, dans la généralité, je l'ai dit, hein, un produit, ça doit résoudre forcément un problème. Ça doit faciliter la vie aux gens. Ça doit leur faire gagner du temps. Si c'est pas parmi ces trois, c'est pas la peine. Donc, je pense que vous avez vraiment compris tout ce qui est vraiment les deux techniques autour desquelles on identifie quand même les produits d'une niche. Quand même. Dans la deuxième leçon ici, qui est recherche et sélection de produits spécifiques, nous allons parler de l'évaluation du taux de commission et de l'alignement en fait avec votre niche. Vous savez, toujours Sarah. Sarah, c'est vraiment un exemple que j'aime prendre. Sarah, elle compare en fait les taux de commission Amazon. Elle compare les taux de commission Amazon et pour les biberons anticoliques avec d'autres produits pour bébé. Et que elle constate, en fait que ces produits-là ont un taux de commission de 8%. Ce qui est, disons, la fourchette moyenne quand même disons, pour sa niche. C'est la fourchette moyenne pour sa niche. Et donc, les taux de commission ne doivent pas être en fait les seuls critères de sélection. Vous devez également aller tenir compte en fait de la demande, de la pertinence par rapport à votre niche et de la concurrence. Parce que parfois, des produits en fait avec des taux de commission plus bas peuvent générer plus de revenus en fait en raison du volume de vente élevé. C'est du français. Maintenant, quand nous venons maintenant par quand nous venons sur l'alignement en fait avec la niche, par l'alignement avec votre niche, Sarah maintenant, elle décide maintenant de faire quoi? Elle décide maintenant genre, de se concentrer sur la. Vous voyez, genre elle est partie d'une idée et puis elle a optimisé genre par rapport en fait à la suite des événements, elle optimise un peu, elle rentabilise. C'est de cette façon-là que vous devez travailler. L'alignement avec votre niche, qu'est-ce que Sarah fait? Sarah maintenant décide maintenant genre, de se concentrer sur la promotion genre, de biberons anticoliques de marques reconnues pour leur meilleure qualité et leur réputation. Elle ne choisit plus n'importe quel biberon. Maintenant, elle décide genre, de se concentrer genre, sur les meilleurs. Cela correspond à quoi? Ça correspond parfaitement en fait à sa niche axée sur les produits de qualité pour les bébés. Parce que lorsque vous êtes en train de promouvoir en fait des produits, il faut aussi parler en termes de qualité. Donc, toujours maintenir la qualité en fait de vos produits. Donc, pas choisir vraiment, c'est pas parce que le produit il est moins cher et tout, non. Privilégier la qualité. Parce que, en promouvant des produits de haute qualité qui correspondent en fait à votre niche, vous renforcez la confiance de votre public, des gens que vous allez toucher. Et vous allez en fait augmenter en fait vos chances de générer des ventes. Mais si vos produits ne sont pas de qualité, vous-même, lorsque vous sortez de votre maison, vous voulez acheter n'importe quoi en ville, des habits, une moto, vous voulez acheter quoi, un téléphone, un micro, un casque, une paire de chaussures. Ah, vous demandez, est-ce que c'est la qualité? À moins que vous-même, vous savez que bon, ce n'est pas la qualité que vous recherchez. Mais est-ce que c'est la qualité? Qualité, ouais, ah, c'est la qualité. Est-ce que c'est durable, etc. C'est un truc en fait qu'on fait au quotidien, je pense, hein, et que beaucoup d'e-commerçants ne tiennent pas forcément compte parce qu'ils se disent, moi je vais vendre, donc je préfère mettre des produits, même si ce n'est pas de qualité et tout. Et puis ça leur fait perdre la confiance des gens parce que vous allez livrer un truc aux gens et puis Amazon va livrer, parce que Amazon va juste obéir en fait à ce que vous avez fait. Amazon ne s'en fout de est-ce que c'est la qualité. Vous allez générer la vente, eux ils vont tout simplement se charger en fait de faire en fait ce que vous avez demandé. Et donc, ils vont livrer un mauvais truc. Et puis, la vente, genre, elle provient en fait de vous. Et donc, les gens, ils seront déçus. Ils ne seront pas déçus d'Amazon. Mais ils seront plutôt déçus de vous. Et puis, c'est fini. Vous avez perdu ce client-là à tout jamais. Un potentiel client que vous aviez eu la possibilité de garder pour des ventes répétitives, pour des ventes plus constantes dans le futur, vous le perdez parce que vous avez biaisé en fait tout ce qui est. Vous avez biaisé l'aspect qualité. Vous comprenez un peu? C'est donc vraiment la qualité. Leçon numéro 3, par rapport toujours au produit. Ici, la leçon, ça passe vite. Parce que les exemples sont vraiment assez concrets. C'est vraiment genre ce qu'on fait au quotidien. Donc, ça passe assez vite. Vous voyez? Leçon numéro 3, étude de cas de sélection des produits. Ici, je vais vous présenter l'exemple de qui par exemple? À part Sarah, non, je suis fatigué de Sarah. Je vais vous présenter l'exemple de John. Voilà, de John. John, c'est un e-commerçant quand même. Lui, il est spécialisé en fait dans les jouets éducatifs pour enfants. Jouets éducatifs pour enfants. C'est dans ça, lui, il est spécialisé. Et John, il a tout le temps soigneusement sélectionné en fait des produits basés sur des recherches approfondies. Ouais. Et il crée genre du contenu de qualité pour le promouvoir. Maintenant, en fait, grâce à cette sélection-là, il a généré en fait des commissions énormes. Donc, la stratégie en fait de John, c'est quoi? Il est spécialisé d'abord dans les jouets éducatifs pour enfants. Mais en fait, lui, ses produits, les produits genre, qu'il essaie de promouvoir en fait aux gens là. Il a basé tout ça là sur des recherches approfondies. Donc, John n'est pas dans une dimension ou bien John n'est pas dans l'idée d'aller voir dans Amazon best-seller pour savoir en fait quels sont les produits qui sont en train de marcher, quels sont les produits qui marchent, mais quels sont les produits qui sont en expansion. Lui, il est beaucoup plus approfondi, genre vraiment dans les commentaires, dans les avis, qu'est-ce que les gens veulent, c'est quoi la demande. Et puis, quand on regarde le truc de notre angle, on se rend compte en vrai que quand on part de ce fait là, on a plus de chance en fait, parce que le besoin est là, plus que le besoin est dans c'est pas parce que le produit ça marche bien en fait que le besoin est là. Non, là-bas c'est que ça marche bien, les gens l'achètent pour diverses raisons, mais dans les commentaires vous savez que le besoin il est déjà là. Mais si le besoin est là, on peut le satisfaire tout simplement. Et donc en fait cette stratégie là que John utilise, beaucoup d'e-commerçants, genre qui prennent vraiment le temps de choisir judicieusement en fait leurs produits, ils ont tendance quand même à obtenir genre de meilleurs résultats que ceux qui se concentrent uniquement en fait sur les produits qui sont en meilleure vente, que ils ont entendu oui il y a ce produit là genre qui marche bien. Lorsque vous êtes plus dans les commentaires, dans les avis, lorsque vous fouillez plus, vous avez genre de meilleurs résultats quand même. Et donc la recherche et la sélection minutieuse, méticuleuse, sont des investissements vraiment qui peuvent payer de manière significative. Oui, j'ai bien pesé mes mots en fait avant de les sortir. Minutieuse, méticuleuse, ce sont vraiment des investissements. Quand on dit c'est des investissements, c'est que c'est vrai, c'est pas facile. Ce n'est pas en un claquement de doigts en fait que vous aurez en fait les informations, parce qu'il va falloir faire un énorme travail vraiment de recherche, des commentaires, aller sur des forums, aller lire en fait ce que les gens demandent, aller lire ce de quoi il est question, aller lire quels sont les problèmes que les gens ils soulèvent, aller lire ceci. Vous lisez en fait tout ce qui vous tombe en fait sous le nez par rapport en fait à ça, pour pouvoir en fait proposer des produits aux gens. Parce que les gens se lèvent et puis ils font des produits, mais vous ne savez pas en fait sur quoi ils sont basés. Vous voyez les gens qui se lèvent et puis ils font des ventes et tout le temps. Vous vous demandez, mais genre, comment lui fait pour trouver les produits qui marchent? Mais c'est axé sur les besoins des gens en fait. Donc vraiment, c'est une stratégie quand même qui marche assez bien. La leçon numéro 4, c'est... J'avais annoncé quoi? Voilà, c'était la surveillance et l'ajustement en fait continu. Surveillance et ajustement continu. En fait, je vais revenir à l'exemple de Sarah, parce que par rapport à ça, c'est Sarah qui réussit en fait ce truc-là de façon vraiment bien. Vous savez, par rapport en fait à la performance des produits, Sarah utilise un outil d'analyse d'Amazon pour en fait suivre ses ventes, ses clics, ses conversions et ses produits affiliés. Et bon, c'est pas vraiment propre à Sarah, mais bon, c'est parce que j'aime bien Sarah que j'ai pris l'exemple, j'ai pas adapté ça à John. Et en fait, l'outil ici, c'est tout simplement en fait votre tableau de bord Amazon que vous avez tous sur la première page lorsque l'interface en fait il est ouvert. Vous pouvez voir gain, clic, tout ça. Donc voilà, elle utilise vraiment cet outil. Tout le monde utilise en fait cet outil d'analyse d'Amazon là pour vraiment suivre les ventes, les clics et les conversions des produits affiliés. Et Sarah, quand on revient à Sarah, elle remarque en fait que les brosses de nettoyage pour les biberons anticoliques ont un taux de conversion plus élevé que d'autres produits similaires. Parce que, vous savez, quand je parle de taux de conversion, c'est que les gens qui ont vu quand elle a quand elle a voulu vendre la brosse et tout, genre la brosse de nettoyage pour les biberons anti-coliques, elle a vendu ça et puis les gens ont plus acheté ça même que les biberons. Ouais, donc quand je parle de conversion et tout, c'est un peu ça, genre, c'est qu'ils sont, ils sont passés du statut de prospect à statut de client, en fait. Vous comprenez? Et donc, quand elle fait, en fait, ce constat, elle remarque directement, en fait, que sa stratégie, elle est meilleure que se concentrer, en fait, sur les produits qui sont en best-seller. Ce n'est pas que les produits qui sont en best-seller ne marchent pas, non. C'est juste qu'on vous montre, en fait, qui est vraiment efficace et que c'est, vous pouvez vraiment, il y a vraiment une mine d'or que vous pouvez exploiter là, en fait, parce que la surveillance constante, cette surveillance constante là, elle vous permet, genre, d'optimiser vos efforts en mettant, en fait, en avant les produits les plus performants. Ouais, et donc ça vous permet également d'identifier, en fait, les produits qui pourraient nécessiter une révision de leur promotion. Par exemple, vous pouvez utiliser les tests A et B pour optimisation. Test A et B, vous allez souvent entendre, ça revient dans plusieurs domaines, pas seulement en e-commerce, c'est en community management, c'est partout. C'est les tests A et B, genre, c'est des rapports, en fait. Vous voyez, des rapports l'un sur l'autre. A sur B, C sur D, etc. C'est des rapports. Donc, Sarah a fait un test A et B en modifiant, en fait, la description d'une brosse de nettoyage pour des biberons et les taux de conversion augmentent. Et donc, ça démontre l'efficacité, en fait, de son optimisation. Elle a modifié la description de la brosse de nettoyage là pour les biberons et elle a remarqué que ça a augmenté, le taux de conversion a augmenté. Et donc on se remarque à ce niveau que les tests, lorsque vous faites des tests, lorsque vous optimisez bien, ça vous aide, en fait, à maximiser vos conversions, ce qui peut entraîner, en fait, une augmentation significative de vos revenus. Parce que si vous optimisez, lorsque vous testez des trucs et que vous voyez que, y a d'autres qui marchent plus que l'autre, et que genre, vous prenez les bonnes décisions, forcément, ça va impacter vos revenus de façon significative. Et donc, c'est vraiment une stratégie intelligente pour maximiser la rentabilité de votre contenu. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à la leçon numéro 5. À la leçon numéro 4, excusez-moi. Par rapport à la leçon numéro 5, c'est la diversification de la sélection de produits. Et si pour les stratégies pour la promotion, en fait, genre de produits, John, qu'est-ce que John fait? John qui est e-commerçant, qui est spécialisé, genre, dans les produits, genre, qui est spécialisé, oui, dans les produits, genre, éducatifs pour enfants, comme je l'ai dit plus haut, il a élargi, genre, sa sélection de, pour inclure des livres pour enfants éducatifs. Il était uniquement, genre, dans les jouets pour enfants éducatifs. Hein. Vous voyez, il a voulu élargir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré maintenant. Il a inclus des livres pour enfants éducatifs. Vous voyez, donc ça veut dire que si vous voulez vraiment, si vous voulez élargir, en fait, cette gamme de produits que vous avez l'habitude de promouvoir, bien sûr, de votre niche là, restez toujours dans le même contexte comme John. Donc, parce que ça va lui permettre toujours, genre, de toucher un public plus large. Parce que peut-être il y a des gens qui n'aiment pas offrir des jouets à leurs enfants. Il y a des gens qui préfèrent, en fait, offrir des livres. Tant bien que les jouets et les livres que John propose sont à caractère éducatif, certains parents vont préférer les livres. Vous voyez, donc ça offre, en fait, encore une audience plus large, en fait, à John pour pouvoir vendre. Donc ça lui permet aussi de rester cohérent avec sa niche. Parce que lorsque vous allez diversifier, en fait, cette catégorie de choses, en fait, que vous vendez là, ça peut être vraiment un moyen efficace de maximiser vos gains tout en restant fidèle à votre créneau. Parce qu'elle va forcément élargir votre audience potentielle et réduire, en fait, la dépendance à un seul produit. Il ne sera plus focus uniquement, j'en suis, les jouets. Non, maintenant, il y a des livres encore qui rentrent dedans. Vous voyez? Donc, vraiment, il faut vraiment éviter la dépendance à un seul produit. Ou bien à une seule catégorie de produits. C'est pas parce que je vends des appareils photo que c'est seulement appareil photo que je vends. Non. Quelqu'un qui aime les appareils photo, vous pouvez lui proposer, par exemple, des piles résistantes pour appareils photo. Des piles spécialement pour appareils photo. Vous pouvez lui proposer, genre, des accessoires pour pouvoir ajouter pour rendre l'appareil photo plus performant. Là, vous êtes toujours de la même gamme. Mais lorsque c'est appareil photo et vous dites, bon, changer. De passer maintenant de l'appareil photo à téléphone, ça ne marche pas. C'est pas la même chose. Il faut rester vraiment dans votre créneau. Donc vraiment éviter cette dépendance là. Donc vous expliquer genre comment dépendre d'un seul produit peut être risqué. Parce que les tendances du marché, genre, ça peut changer. Ouais, donc en diversifiant, vous réduisez le risque. Parce que on suppose que par exemple, tout comme John, il est uniquement genre dans la, genre les jouets. Et un coup, un jour on se lève et puis voilà, les jouets ne marchent plus. Et puis les gens, on remarque que les gens, il y a une forte catégorie de personnes, mais les gens qui préfèrent les livres. Maintenant, John lui est resté focus dans les jouets. Alors qu'il pouvait migrer vers les livres ou éducatifs et continuer toujours à vendre. Vous comprenez un peu le truc. Ça veut dire que le risque quand même, genre, d'être dépendant genre, d'un seul produit, ça peut être risqué. Et donc, les tendances en fait du marché aussi peuvent changer. Donc, en diversifiant là, vous réduisez considérablement le risque en fait. Parce que la diversification est vraiment une stratégie de long terme hein, pour la rentabilité et pour la stabilité de vos revenus en fait. Parce que elle vous prépare à mieux faire face aux fluctuations du marché. Lorsque ceci ne marche plus, peut-être que l'autre là, ça peut marcher en fait. Donc quand je parle de fluctuations du marché, c'est que bah, ça dégringole, genre ça monte à descendre et tout. Or vous avez besoin d'un truc constant en fait. Et donc de ce truc là, ou bien je vais dire genre de ce désir d'avoir un produit qui génère des ventes de façon constante, vous êtes obligé genre, de diversifier tout en restant toujours dans votre créneau. Donc je pense que en développant vraiment davantage toutes les leçons que j'ai données là, si parce que je reviens encore à ce que j'ai dit au niveau de la niche, c'est vrai il y a des modules, il y a des leçons. Mais en fait, quand vous prenez une leçon, elle est profonde en fait. Quand vous prenez par exemple la leçon numéro 2 ou bien la leçon numéro 3 par exemple, j'ai parlé des taux de commission. Lorsque vous allez prendre, par exemple prendre le taux de commission, vous allez travailler, genre, vous allez vraiment voir ce produit là, c'est combien le taux de commission. Lorsque vous allez peut-être prendre la leçon numéro 3, c'est l'étude de cas de sélection, étude de cas de sélection des produits. Et j'ai donné l'exemple de John, genre, comment John il s'est spécialisé en fait genre dans les jouets éducatifs et maintenant il a genre comment il a sélectionné en fait les produits basés sur des recherches approfondies. Donc c'est vraiment en fait ce que vous devez aussi faire. Vous devez vraiment développer genre pour chaque leçon, vous devez développer vraiment pour chaque leçon, je le répète, pour chaque leçon genre le fond de ce que dit. Parce que nous on donne le concept, on dit ce qu'il faut faire, mais le fond, la réalisation, c'est autre chose en fait. Elle prend en fait plus de temps. Ouais, donc vous devez vous, en fait vous atteler en fait à faire des recherches vraiment sur chaque leçon, faire des vraiment des recherches approfondies sur chaque leçon et voilà quoi. Les prospects que vous allez toucher vraiment ils vont disposer genre d'une compréhension plus approfondie genre de la sélection de genre de vos produits et vraiment ils seront mieux armés pour réussir en fait cette étape de la vente là. Parce que quand il dit réussir en fait cette étape de la vente, c'est que quand il dit réussir, c'est que ils achètent le produit, que vraiment c'est sont en fait le produit qui vous a, moi je parle de genre de réussite en fait. Donc voilà, donc je pense que chaque étape est assez étayée, pas des preuves concrètes, pas des exemples pour que vous puissiez vraiment comprendre ou bien vous puissiez vraiment savoir genre, tout ce qu'il y a à savoir par rapport en fait au produit. C'est vrai que j'ai parlé de uniquement de deux stratégies. J'ai parlé de la stratégie d'aller voir des produits genre, qui sont en vente, en progression, en Amazon best-seller, j'ai dit. Genre, d'aller voir les commentaires à vue. Mais ce n'est pas seulement ces deux stratégies-là qu'on a en fait pour pouvoir promouvoir des produits. Si vous vous rappelez bien de ce que j'ai dit dans la généralité, vous remontez dans la généralité, vous allez trouver en fait d'autres stratégies pour pouvoir proposer un produit. Ou bien même au niveau du choix de la niche, je l'ai dit, j'ai proposé genre des stratégies pour que vous fassiez genre des choix de produits qui peuvent aussi vous aider. Je ne vais pas me répéter, chaque podcast en fait est à écouter avec tout son cœur, tout son âme, toute la présence possible pour vraiment ne manquer aucune information. Parce que il y a des réponses, il y a des questions que vous aurez à poser Et donc, les réponses se retrouvent déjà en fait dans la généralité, parce que la généralité, c'est vraiment long, c'est limite 2 heures par là. Donc, voilà quoi. Voilà tout ce qu'on peut dire par rapport en fait au produit. Je pense que c'est déjà suffisant. Et voilà, si je dois vous aider avec peut-être une troisième astuce, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de regarder ces deux trucs-là. Vous choisissez un produit genre que vous voulez. Parce que aussi, c'est aussi une question de test. Hein. Vous pouvez ne pas voir peut-être le produit Amazon best-seller ou ne pas avoir des commentaires. Ça ne veut pas dire genre, que vous ne pouvez pas promouvoir ce produit. Un produit, il est fait pour être promu. Et donc, vous avez la possibilité genre, de choisir un produit vous-même. Parce que c'est vous qui allez convaincre les gens. C'est vous qui allez montrer en fait le besoin que ce produit. Pardon, c'est vous qui allez montrer aux gens ce que ce produit-là peut faire aux gens. Ouais, donc si vous arrivez vraiment à montrer aux gens que ce produit-là peut leur faire ceci, ça peut leur faire cela, vous connaissez en fait les caractéristiques du bon produit. Si vous arrivez en fait à vraiment démontrer ça, il n'y a pas de raison en fait pour que les gens n'achètent pas. Ouais. Et donc par rapport à ça, je pense vraiment, vraiment, je pense sincèrement que vous avez aussi cette possibilité, l'argent, de choisir un produit que vous trouvez beau, un produit qui vous plaît, un produit que vous trouvez car oui, ça peut répondre, ça peut résoudre un problème parce que vous-même, vous avez de la jugeote, vous savez en fait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Si vous prenez un produit, vous pouvez dire, ah oui, ce produit-là, ça peut répondre à tel besoin. Ce produit-là peut faire tel. Et donc, de là, si on trouve le besoin, si on trouve un problème que ce produit-là peut résoudre, pourquoi ne pas essayer de le commercialiser? Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on aura essayé, on aura su que, voilà, il y a ce produit-là qui génère pas de vente. Et puis, on saura en fait quel comportement adopter en fait à l'avenir. Si possible, comment l'optimiser quand même au maximum pour finalement avoir en fait des résultats sur ce produit-là. Oui, donc voilà. Comme je l'ai dit, chaque podcast, il est à écouter vraiment avec toute attention. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Une lecture audible. Minutieuse, vous devez écouter avec toute l'attention possible quand même pour vraiment noter les éléments qui vous paraissent essentiels parce que tout n'est pas à noter. Il y a beaucoup d'exemples dedans. C'est à vous de voir vraiment ce que vous allez noter, ce que vous allez garder.